Je sais que ça ne se chante plus, les amours folles qui vous grisent. Mais depuis que tu es venu, je n'y peux rien et quoi qu'on dise. Je chanterai à pleine voix que j'ai le bras tendre dans mon cœur, que je suis bien auprès de toi, que je suis folle de bonheur. Je sais que ça ne se chante plus, les cœurs battant, l'éclair de lune. Tous ces mots-là sont défendus, ces refrains ne font plus fortune. Mais je veux chanter mon amour, mes mains qui tremblent, tes yeux bleus. Dis-moi, tu m'aimeras toujours, comme on est bien là tous les deux. Je sais que ça ne se chante plus, les larmes, les chagrins, les peines. Mais depuis que je t'ai perdu, je pleure pour que tu reviennes. Je ne peux plus vivre sans toi. Oui, je sais bien que c'est banal quand je le crie à pleine voix. On rit de moi, ça m'est égal. Je sais que ça ne se chante plus, les filles qui se jettent dans la scène. Ces chansons-là sont devenues les plus risibles des rengaines. Mais moi, je chante.